On a eu un problème. J'ai su. Ah ouais, tu l'as su comment? Parce que notre ami a fait son speech à l'ONU aujourd'hui et c'est exactement ce qu'on ne voulait pas qu'il fasse. Ouais, mais ton connard, Alberto, là, c'est une pourriture, tu sais. Je lui ai dit de faire certaines choses, mais c'est une tête de mule, j'ai dû l'annuler, son putain de contrat. Tony, mes associés et moi, on est fous de rage. Mais attendez, pas grave. Il y en a d'autres, des Alberto, tu sais. On les mettra à l'écoute le mois prochain. Non, Tony, c'est trop tard. Ils ont trouvé la charge qui était sous la voiture, Tony. Et notre ami a des gorilles sur le cul du matin au soir. En plus, ils vont mettre la pression sur nous, ici. Il n'y aura pas de prochaine fois. Petit enculé à la con. Non, mais fais gaffe, tu sais à qui tu parles, connard. Il y a longtemps que je t'ai prévenu, espèce de sale magal, qu'on ne monte pas. Ça va, non, qu'est-ce que tu déconnes, hein? Des conneries. Tu vas mettre l'offre à con, tu vas mettre l'offre à merde. Viens m'écouter, mon nom. Tu veux la guerre? C'est capable. Tu veux la guerre? On va te la faire, ok. Pognon. Ok, j'ai compris. On s'en sort pas comme ça. On est loin de la vie. Anthony, Fox, on s'en baisse pas. Grave pas l'amitié, on est QLF, on s'écart. Chacun son chemin, chacun son bénéf. Je m'entors, cagoulé, je rêve dans l'anonymat. On ne pense qu'à mouler sur ma branche comme Chita. Voilà. Qu'on se vend pas, qu'on se baisse pas pour tes mons. Oh, j'ai un nid d'un arc, le pépon. 2-3-4 barres soufflées dans la tête des démons. Inch'Allah, on fait du bien. Inch'Allah, on fait du bien. On a fait du mal, j'sais plus pour combien. On a fait du mal, j'sais plus pour combien. Les tarots augmentent comme le prix du bidon. Augmente comme en haine. Tu kifferas moi quand tu verras que mes vitons. On vit sur la merde, pas de futur. Voilà. Dans les poches, c'est le passé. Sur le présent, en cadenas. Tant qu'il y a passé, je vois très bien tout ça commence. Je sais pas où tout ça va se finir. On baisse tout avant de partir. Ma putain la tirelire. Ouais, on est pas comme eux. Pas comme eux. Pas comme eux. Pas comme eux, ouais. Plus Tony que Sosa. Plus Tony que Sosa. Plus Tony que Sosa. Ouais, pas comme eux, ouais. J'attends que la nuit tombe solo, j'écris un tube. Sauvage, un animal au milieu des hommes. Mowgli fait ses premiers pas dans la nature. Transporte le kilowattman en essor. Bam bam bino, bam bam bino. Ram pam pam pam, ram pam pam pam. Correr, es tu destino. Ram pam pam pam, ram pam pam pam. Ouais, Habiba, pour la bague, j't'ai dit, j'vais te voir, dis-le. Riche dans le haram ou pauvre dans le halal, alors choisis, vas-y, dis-le. J'arrive au sommet que quand les péchés sont empilés. La première fois, j'suis béton, j'laisse terre un appuileux. Seul, des milliers de soucis et des dizaines de bitches. Seul, on vendait du regard et les télés te pissent. En photo sur Facebook, sur Twitter et en fait. Pas 36 solutions, en photo jusqu'au 36 des orphètes. Mais quand tu dis vous, toi tu cites qui en fait. Prononce mon blase, j'aimerais bien rigoler. Que la famille les dents frotte l'assiette. Je te charge, ces visages seront cabriolés. Ouais, on est pas comme eux. Pas comme eux. Pas comme eux. Pas comme eux, ouais. Plus Tony que Sosa. Plus Tony que Sosa. Plus Tony que Sosa. Ouais, pas comme ouais. Ouais, on est pas comme eux. Pas comme eux. Pas comme eux. Pas comme ouais. Plus Tony que Sosa. Plus Tony que Sosa. Plus Tony que Sosa. Ouais, pas comme ouais. Je vais posséder ce qui me revient. Et qu'est-ce qui te revient à toi, Tony? Le monde, Chico.